avant. Tout du premier coup tu croyais, ça y est, que tout était fait. Elle était belle, vive et son rire fascinait. Et tu croyais toi qu'elle t'appartenait. Tu retenais les mots que l'émotion te dictait. Tu sifflais facile pour la rassurer. Elle pudique, métique, te dit en passant qu'elle s'attache à toi. Et toi, tu fous quand on t'en prend une sympa clavée dans ton carnet qu'a une voix de rêve, des yeux de poupée. Ton cœur te dit, attention manger. Tu zappes, tu crains, tu te lâches. Tu lui dis l'aimer, pas folle. La guêpe, elle croit pas le bourdon. Sauf que dans ta voix, il y avait le joli son. Tiens le son, la voix, la bouche, tes lèvres. Et en quelques secondes, elle y croit à son rêve. Avec cette bombe qui est douce à croquer. Et paf, pour ta tronche, tu te mets à douter. Si t'es pas la bonne, si tu t'étais trompé. Attention bonhomme, on est pas déjoué. Tu débranches la voix, t'arrêtes les frais. Elle était mal vive et sans rire fascinée. Mais pendant ce temps, son ex l'a folie. Tu croyais toi qu'elle t'appartenait. Les gens, c'est pas des choses, faudrait pas oublier. C'est pas des lots de matière qu'on peut recycler. On peut pas les avoir, juste être à leur côté. Si on veut qu'ils nous voient. C'est difficile d'avoir tout du premier coup. Tu croyais, ça y est, que tout était fait. Elle était belle, vive et son rire fasciné. Et tu croyais toi qu'elle t'appartenait. Les gens, c'est pas des choses, faudrait pas oublier. C'est pas un des lots de matière qu'on peut recycler. On ne peut pas les avoir, juste être à leur côté. Si on veut qu'ils nous voient.